Je me remercie la reste, c'est comme ça. Je connais la tendance. Je me remercie la reste, merci la reste, c'est comme ça. Et maintenant je connais la tendance. Je me remercie la reste, merci la reste. J'ai pas un doigt à manger, je le vis mal. Je casse une geste, je suis dans mon hall. La voisine ma vie elle rigole. Cette nuit j'ai trop bu, je suis dans le mal. Le point de vente doit fermer ses choses. Déambule solo comme un chat. Aminé, je fais les comptes, ouais. J'ai la cime remplie de contacts. 22, je dois fermer le point de vente. Je nous vois dans 10 ans tous les deux. Je prends d'âge, j'ai vesti les bleus gueules. Loin d'eux, pour ma maman quand je veux, je peux. Mamie, chèque, tu me regardes là-haut. Papa connaît pas son maman, je lui en veux pas, j'ai pas besoin de toi. Hey, j'peine à loin, j'peine à loin, j'les vois plus. 22, j'dois fermer le point de vente, j'nous vois dans 10 ans tous les deux. J'peine d'âge, j'ai fait ce qu'il est bleu gueule, loin d'eux pour ma maman quand je veux. La meca, planqué dans la lavabo, dans la vago, j'suis en rodéo mondéo. Trois verres lingots, j'pue la bugueuse, mon doudou. Tu peux fouiller, ouais. Tu te souviens, on avait l'un, c'était bien. À minuit, j'fais les comptes, j'attends la fin. La fin. La fin. Porsche Cayman, j'ai les palettes au volant. Je me sens bien, je ferme les yeux en se rêvant. Porsche Cayman, j'ai les palettes au volant. Je me sens bien, je ferme les yeux en se rêvant. Ouais, je fais tour de la ville. Palette au volant, je contrôle plus la vitesse. Ouais, je fais tour de la ville. Palette au volant, je contrôle plus la vitesse. 22, je dois fermer le point de vente. Je nous vois dans 10 ans tous les deux. Je peine d'âge, j'ai ce qu'il est bleu gueule. Loin d'eux, pour ma maman quand je veux, je peux. 22, je dois fermer le point de vente. Je nous vois dans 10 ans tous les deux. Je peine d'âge, j'ai ce qu'il est bleu gueule. Loin d'eux, pour ma maman quand je veux, je peux. Zipette dans les fesses, la tête dans les rêves. Je voulais des Nike toutes neuves. Si je t'as dans la baisse, j'ai fait le tour du 16. Les replays de la scène, à part dans les hautes fesses. Toute ma vie, je l'ai voulu. Viens, on se balade, j'en peux plus. Je veux qu'on arrête nos disputes. Tu peux me le dire, c'est moi que t'aimes. Je fais tes semaines, des week-ends. J'ai dans tes yeux, ça trompe pas. XADV plus Vespa. Je fais la fête avec quelqu'un. Je mets une bouteille dans mon bat. Je remercie la reine. Merci la S. C'est grâce à elle. Maintenant, je connais l'adresse. Je remercie la reine. Merci la S. C'est grâce à elle et maintenant je connais l'adresse. Merci la rue, merci la S. C'est grâce à elle et maintenant je connais l'adresse. Je remercie la rue, merci la S. C'est grâce à elle et maintenant je connais l'adresse.